Salut les marques et les smarts, et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et bien aujourd'hui, c'est moi aux commandes, c'est moi qui présente, moi c'est Raphaël, entre autres la fine fleur, la plume des cahiers du catch, mais je ne suis pas tout seul pour cet exercice oral évidemment. Gros programme, on va parler de Raw et de SmackDown, donc j'ai pris avec moi le créateur, la base de Catch Up, le vétéran. Hank, comment vas-tu, Hank? Oh putain, j'ai cru que tu ne te souvenais plus de mon nom. Ça va. Tranquillement, bon, le créateur, l'architecte. Non. J'essaie de faire un drum rolls, mais j'ai... Non, mais oui. Oui, c'est moi responsable de tout ce bazar. C'est une journée un peu spéciale parce que si vous êtes super sympa aujourd'hui et que vous partagez ce podcast ou que vous regardez ce podcast pour la première fois maintenant, nous sommes à 499 abonnés. Il nous en manque un pour faire un chiffre rond et pour fêter tout ça et pour sûrement vous annoncer des choses. Enfin, moi, j'ai une chose en tête que je ferai de mon côté, mais on verra avec les autres. Là, on essaie de s'organiser pour fêter un peu ça. Mais voilà. Donc, du coup, c'est une journée spéciale, peut-être notre journée des 500. Partagez autour de vous. Surtout, ce n'est pas le moment de vous désabonner. Non, mais ne leur donne pas des mauvaises idées. Et ça nous ferait tellement plaisir d'avoir 500 abonnés à un Rusev Day. Ça serait super. Ah bah ça. Mais ça, on n'y est pas encore. Alors, nous sommes à notre formule estivale. Là, nous analysons tout ce qui s'est passé dans la semaine à la WWE. Mm-hmm. On va commencer par le lundi soir. Hein, on va commencer par Raw. Est-ce que tu es prêt, Hank? Oui. Allez, c'est parti. Dans la bonne humeur. Ce Raw, il a commencé, comme beaucoup de Raw, par Kurt Angle au milieu du ring qui nous parlait un petit peu de ce qui allait se passer avec Baron Corbin. Notamment, on revient sur ce qui s'est passé avec Lesnar la semaine dernière qui a un peu attaqué tout le monde. Soudainement, Roman Reigns arrive. Il nous sort une phrase que tu as beaucoup appréciée, je crois. Il y a Kurt Angle. Hey Kurt, si tu vires le gros chien, qui c'est qui garde la maison? Voilà, un truc bien viril, bien badass. Voilà. Kurt Angle. Big Dog. Kurt Angle sous-entend qu'il aimerait bien que Roman Reigns batte Brock Lesnar à SummerSlam. Ça plaît pas trop à Baron Corbin qui dit non, mais t'es pas là pour faire du favoritisme, t'es là pour faire des matchs. Du coup, Kurt Angle, il fait un match. Il fait Roman Reigns contre. Je sais plus comment, putain, comment ça se dit, Constable Corbin. Ah oui. Oui, voilà. Le gendarme. Voilà, contre Corbin et ring the bell. Alors la cloche sonne alors qu'il n'y a pas d'arbitre. Bon, c'est une petite. Subtilité, mais tout ça ne va pas perturber Roman Reigns puisque nous sommes à Raw et donc au bout de quelques minutes de combat, Roman Reigns l'emporte. Alors il l'emporte notamment parce que Finn Balor est venu bloquer la fuite de Baron Corbin et il en a profité aussi à la fin pour lui porter un petit coup de grâce. Donc Corbin a pris cher ce soir et il n'a pas encore fini, mais du coup on nous annonce déjà qu'il y aura une revanche là. Baron Corbin contre Finn Balor à SummerSlam et c'était donc notre segment d'entrée. Ouais. On voit que tu en profites pour taper en même temps, mais qu'est-ce que tu as pensé de tout ça là? Bon, on n'a pas de Lesnar ce soir évidemment. Hein. Kurt Angle qui ne prend aucune sanction contre Lesnar outre mesure. Mm-hmm. Et Corbin qui continue de jouer le petit gendarme de Saint-Tropez un peu énervant effectivement. Le gendarme de Saint-Tropez, ouais. J'ai un très mauvais avis de ce Raw. Donc du coup, j'en avais un peu rien à faire. Le match a duré des plombes. J'ai l'impression qu'en fait ils ont fait ça aussi la semaine dernière, ils ont fait un match d'intro qui a duré des plombes on passe le temps en attendant que Lesnar, enfin en attendant de voir Lesnar. Donc Baron Corbin avant il faisait chier Finn Balor, bon maintenant il fait chier Roman Reigns, bon, on verra après que du coup, je sais pas si t'as rappelé que Balor est arrivé à la fin. Ouais, Balor est venu. Et donc du coup l'arrivée de Balor à la fin aussi sonnait un peu creux parce que Balor va attaquer. Corbin a déjà perdu et Balor l'attaque au sol comme ça, sans défense entre guillemets. Oui, alors que Balor avait plutôt, on va dire, intelligemment joué la rivalité là en faisant semblant de plaisanter des blagues là avec la maison en plastique et tout. Ouais. Ouais, ouais. Il n'avait pas l'air vénère jusque-là, mais finalement il l'est. Oui, et puis. Donc, du coup, c'est très bizarre comme idée. cette rivalité. Moi, je suis. Enfin, pas cette rivalité, mais ce beatdown, en fait, qui était un peu gratuit, quoi. C'est pas vraiment un truc de babyface. Voilà, le match m'a pas marqué. Roman Reigns était vraiment. Allez, on va dire qu'il était potable au micro, sauf cette phrase d'intro qui était vraiment horrible, quoi. C'est ce genre de truc qui est gavant à la WWE, c'est ces phrases toutes préfabriquées qui du coup cassent les personnages, en fait. C'est personne ne dirait ça dans la réalité, en fait. Personne ne dirait je suis le gros chien, si le gros chien n'est pas là, je ne peux pas garder le jardin. Non. On dirait que le mec, il a réfléchi toute la semaine en fait. Ouais, voilà, on dirait un mec qui a réfléchi sur une métaphore qui est complètement pourrie déjà de base. C'est une métaphore, genre, de gamin. Bah déjà Big Dog, alors bon, ça passe peut-être mieux en anglais que gros chien en français, mais c'est pas terrible quoi. Ouais, non, ça marche pas très bien. Pendant que je suis en train de changer le nom et le visuel du stream, puisque je me suis complètement viandé là-dessus, mais c'est pas grave. Bah écoute. Donc voilà, peu importe, en fait, ce segment, c'est vraiment peu importe. Ouais. Bon, c'est histoire d'occuper Reigns, comme tu dis. C'est pas très très intéressant. On y reviendra un petit peu plus tard, puisqu'il y a eu un segment conséquence, enfin, vaguement de tout ça. En attendant, chronologiquement, on va passer à autre chose. Quelqu'un qui fait le buzz actuellement, puisque c'est une nouvelle superstar de la chanson, c'est Elias. Elias qui a sorti son album que tu as dû acheter, hein, j'imagine. On a tous acheté l'album d'Elias. Non, j'ai écouté sur Spotify, mais j'ai donné mon avis à... Donc du coup, j'étais pas au dernier Catch-up Raw, donc c'était il y a 2 semaines. Donc j'ai donné mon avis pendant le podcast, très dispensable ça. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, Elias, il se la joue un peu le mise, hein. Il a une équipe de tournage et tout qui l'accompagne. Ils font un documentaire sur lui. Bon, il en profite pour faire un peu de cheap heat, parce que Elias, c'est toujours pareil. Hein. Il est acclamé quand il arrive, la foule l'aime bien, mais quand il demande au réalisateur de flouter les visages du public, là, évidemment, ça marche mieux. Et il est interrompu, comme on pouvait s'y attendre, par Bobby Lashley. Alors, Bobby Lashley, il apparaît quand on prononce son nom, c'est un peu comme Beetlejuice, sauf que là, il y a J'ai besoin pensé à de la le même dire. chose. J'ai pensé à Kenzie, moi. la même chose. Et puis c'est vraiment comment? Il est tellement mauvais quand il essaie de. Je sais pas quoi. On a l'impression qu'il comprend pas son texte en fait. Bobby Lashley quand il parle. Il a C'est, l'air il a vraiment. les yeux vitreux comme ça et il dit: Tu as dit mon nom, donc j'apparais. Et waouh, mais juste Il a l'air bête, hein. waouh, est-ce qu'il C'est y a vrai, des il a l'air. neurones qui se connectent de justesse pour Ouais. sortir les phrases? Mais c'est dur. C'est dur, donc toujours est-il qu'il bon, bah, il porte une verticale souplesse à Elias en demandant bien à l'équipe de tournage de filmer ce moment d'humiliation. Et puis voilà, ce coup-ci, la semaine dernière, il avait subi un petit beatdown, là il se venge. Je ne sais pas si le match a été officialisé, s'il y a un truc pour SummerSlam entre les deux. Ouh, je Mais ça. pense pas qu'ils aient une place à SummerSlam. Tu penses pas? Je pense que ça va se jouer en pré-show. Au mieux. Au mieux, ça va se jouer en pré-show. Au pire, je pense que ça va être au gôme de SummerSlam. On est à quoi? On est à 2 émissions de. Il nous reste 2 Raw avant Ça SummerSlam? doit être ça, ouais. Ouais, Donc je oui, sais pas. j'imagine soit la semaine prochaine ou soit dans 2 semaines. C'est quand même une descente enfin, je vais pas dire aux enfers parce que Ilaya c'est quand même au-dessus des jobbers, mais c'est pas loin d'une descente aux enfers quand même pour Lashley. Lashley qui a quand même il y a quoi, il y a 3 semaines, 4 semaines, a battu Roman Reigns. Il a battu Roman Oui. Reigns, Au dernier pay-per-view. mais c'est pas grave, Il a battu c'est pas Roman Reigns, important. qui... Non, bah non, mais... Et Bah... c'est dingue quoi, le gars il bat Roman Reigns en pay-per-view et le lendemain ça compte plus, on fait des qualifs. Ça Non, compte mais pas. c'est vrai. Alors moi, du coup, dit comme ça, c'est vrai qu'Elias, il est quand même toujours très... Il marche bien avec le public Ouais. et Lashley... Bon, ils essayent de le garder quand même. Moi, je pense qu'ils vont leur donner un match à SummerSlam. Je suis pas certain, mais Non c'est mais vrai que parce oui, qu'on pour la. on a déjà Balor Corbin dans le genre match OSEF qui doit être à SummerSlam. Oui, mais SummerSlam, ça va durer 4 ou 5 heures, non? Il y a le temps à caser. Attends, il y a déjà tellement de matchs avec les ceintures, c'est en plus on commence à caser des matchs dont tout le monde se fout. Donc voilà, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je dis FC? FG qui nous dit Finn Balor, ce naufrage. Totalement d'accord. Je Ouais. suis désolé, j'aime pas. Généralement, j'aime pas les chaînes YouTube qui parlent de catch et qui ragent à fond. Mais alors, mon Dieu, en ce moment, c'est difficile. Il y a très peu de. Comment? Il y a quelques angles qui sont à sauver en ce moment à la WWE. Et là, ils sont plutôt dans le show bleu. Donc, on en Alors, parlera tout à l'heure. écoute, on va passer à un autre segment pour ce Raw. Peut-être qu'il trouve grâce à tes yeux. Moi, je l'ai trouvé meilleur, je le dis d'avance. Mais enfin, bon, pour le moment, c'était pas difficile. C'est tout simplement le Kevin Owens Show. Eh Eh oui. ouais. Souvenez-vous que ce Kevin, déjà à la base, c'était Kevin et Sami Show. C'était censé être peut-être hebdomadaire. Bon, finalement, on l'avait pas vu depuis peut-être 3-4 mois. Kevin Owens, il a un show. Alors, bizarrement, il n'a pas un show au milieu du ring, comme tout le monde. Il a un petit salon, là, un petit plateau à l'extérieur, devant le Titan Tron. Bon, on comprend pas trop pourquoi pour le moment. Et il est avec Jinder Mahal, c'est son nouveau pote. Ils font des séances de respiration, là, de détente. Ouais. Et surtout, ils ont un point commun tous les deux. Ils ont battu Braun Strowman. Alors, l'un l'a battu à Extreme Rules avec l'histoire de la cage et du Steel Cage. L'autre, donc Jinder Mahal, il a gagné la semaine dernière par décompte à l'extérieur, mais ils ont tous les deux gagné. Ouais, il gagne que par décompte ou Voilà. disqualification. Bon, mais il gagne quand même. Ouais. Il gagne quand même et Kevin Owens il propose à Jinder Mahal de réaffronter Braun Strowman ce soir. Alors bon, Jinder Mahal il est pas très confiant, mais tout d'un coup, que se passe-t-il? Tremblement de terre en Floride. Attends, parce que juste avant, en fait, Kevin Owens, il l'appelle Braun Strowman. Il dit Ah oui, Braun, sûr. viens donc, c'est bon, on a un rematch. Et donc voilà, ouais. Et vas-y, la suite. Oui, c'est vrai. Il l'appelle, alors il vient pas et il fait Braun Strowman. Personne vient, mais oui, tremblement de terre. Et finalement, ce petit mini-ring du Kevin Owens Show se soulève. Les trois, donc Jinder Mahal, le frère Singh et Kevin Owens finissent par terre parce que Braun Strowman était en dessous et c'est Braun Strowman qui a réussi à la force de ses bras à soulever. Alors, c'est plus une ambulance, mais c'est quand même du lourd. Incroyable. Et il arrivait à faire tomber tout le monde. Alors la foule exulte. Elle s'attendait pas spécialement à ça. Bon, avec le Vraiment? coup. Ouais. Un peu C'est quand moi, même. je l'ai pas entendu exulter. Mais Si, ah bon. c'est Strowman. Bon bah ça Mais exulte. bon, bon c'est vrai que le coup de cette scène, un peu sur le côté, c'était téléphoné. Et on enchaîne. Donc on va enchaîner sur le combat, puisqu'il a lieu, hein, Jinder Mahal contre Braun Strowman. Ouais. Il a lieu. Et ben, 2-0. 2-0, Jinder Mahal gagne à nouveau contre Braun Strowman. Bon, alors, il gagne. Il gagne ce coup-ci par disqualification parce que Braun Strowman va utiliser sa mallette. Il Eh utilise sa mallette pour cogner parce qu'en fait, il était parti cogner Kevin Owens qui essaye de lui voler la mallette. Hein, et en se retournant, malencontreux hasard, il donne un coup à Jinder Mahal et l'Indien gagne le match. Donc, ben, il est vénère, hein, Braun Strowman. Mais alors, est-ce que tout ça va vraiment Est-ce que lui tout ça jouer est sur. est-ce que tout ça est pas un peu con? Est-ce que tout ça est important? Est-ce que tout ça est utile? Non, moi c'est pas vraiment important, c'est vraiment. Est-ce que tout ça est pas un peu con dans le sens où Kevin Owens, s'il retire la. S'il va voler la mallette, il a déjà un match pour gagner la mallette. Pourquoi il va voler la mallette, sachant que. On va dire dans le kayfabe, t'imagines quand même que le mec qui a la mallette a un contrat avec son nom dessus. Oui, bah bien sûr. Donc, Non, mais c'est. ça n'a aucun sens de voler la mallette. Et la dernière fois C'est du qu'il. mind game. Oui, mais la dernière fois qu'il a volé la mallette, ça avait du sens parce qu'il avait dit Brock Lesnar sera là ce soir, je veux pas qu'il cash in. Donc là, ça avait du sens qu'il vole la mallette. Mais là, ça a aucun sens. Et Braun Strowman est complètement idiot d'aller le poursuivre. Et voilà, et puis. C'est enfin bon. Mais c'est léger. Voilà, Oui, mais c'est très alors Braun léger. Strowman, il a ce personnage un peu primaire hein, quand même, c'est ça qui fait qu'on l'aime bien, mais c'est vrai que Kevin Owens qui joue un peu plus le mec intelligent et tordu, bon, il a pas trop grand intérêt à jouer, ça fait très Tom et Jerry là, c'est sûr, ça se poursuit avec la ça fait très Looney Tunes. Oui, non mais il aurait pu faire gagner Jinder d'autre manière. Ou alors en frappant Strowman avec la mallette, par exemple. Ou d'une façon ou d'une autre. Mais là on est vraiment dans le. C'est là que. C'est le segment où je vois tellement le tampon Vince McMahon dessus, quoi. C'est vraiment l'humour. Vince McMahon a l'humour d'un enfant de 7 ans. Ou alors il pense que c'est ça qui marche, mais oui, c'est sûr. Mais non, je suis d'accord avec toi que c'est un peu bizarre parce que bah, pour moi, Braun Strowman, il a vraiment c'est vraiment le mec bourrin, quoi. Donc essayer de le déstabiliser en lui volant sa mallette ou essayer de enfin, c'est pas un mec qui va se dire ah j'ai perdu deux fois contre Jinder Mahal, ah attention, je perds la confiance. Enfin, il s'en fout, tu vois. Il vient, il gueule et il tape. Alors après, il y a toujours cette histoire de si, c'est ça en fait qui est derrière. C'est l'histoire que Braun Strowman peut perdre sa mallette par disqualification, par décompte ou tout ça. Oui, Donc ah oui, j'ai c'est vrai peur qu'il y que a c'est cette ça qui histoire-là. Ouais, il y a cette histoire-là qui est racontée, c'est vrai. Mais déroulé ce film. n'empêche que je sais pas, moi ça m'intéresse pas des masses, quoi. Le match va être. Le match sera intéressant à SummerSlam parce que c'est un des rares, je trouve. J'aime bien quand un pay-per-view, c'est très rare qu'un pay-per-view, le main event d'un pay-per-view dépend de deux matchs différents. Enfin, le finish d'un pay-per-view dépend de deux matchs différents. Parce Et surtout que que. rien n'est vraiment prévisible là pour le coup. Oui, tout est. C'est pas un cliché de dire que tout est possible. Tout est possible Ah à non. la fin de la soirée. On peut avoir Kevin Owens champion fin de la soirée, Braun Strowman champion, Roman Reigns champion, ou alors Lesnar champion. Hein. C'est totalement possible, surtout après la promo dont on va parler un peu plus tard de Paul Heyman, qui était une promo qui sonnait tellement. J'attends le moment où Heyman va une nouvelle fois nous dire qu'il s'est foutu de notre gueule. Donc du coup voilà, c'est presque une promo annonciatrice de Lesnar qui gagne à SummerSlam. J'ai presque l'impression de ça, mais On va en parler, mais on a encore un petit peu de temps, on a deux, trois trucs. ouais. On va passer maintenant à la ceinture intercontinentale, toujours autour des belles hanches de Dolph Ziggler. Des belles Alors, hanches, d'accord. Dolph Ziggler. Oui, Chacun oui. ses passions. Bon, écoute, il est pas vilain, Dolph Ziggler. Dolph Ziggler et McIntyre ont un match tag team ce soir contre Seth Rollins et ben, démerde-toi pour trouver quelqu'un. Eh oui. Sauf que Seth Rollins, en coulisses, il refuse l'aide. Qui était pourtant sympathique de Tyler Breeze, et il accepte l'aide de Roman Reigns, qui est tout transpirant, qui vient de se farcir Baron Corbin, mais qui veut refaire un petit coup du shield. Hein. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Le fameux Baron Corbin, il vient dire à Roman Reigns, tututut, sécurité des artistes, là là là, on doit préserver le main event de SummerSlam, t'as déjà catché, tu files à la douche et t'es gentil. Roman Reigns n'est pas content, mais il obéit en lui foutant quand même un bon coup de poing dans les côtes. J'ai bien aimé ce passage, c'était assez drôle. Il dit à Baron Corbin, ça va? T'as encore un bot? Je pense que Corbin est en train vraiment de devenir un nouveau Miz quelque part avec moins de talent, mais qu'est-ce qu'on aime bien le voir se faire taper sur la gueule. Et Ouais. du coup, ben, trop tard. Seth Rollins, pas de solution, pas de seconde option. Hein. La foule a beau demander un petit peu Dean Ambrose. Non, non, Seth Rollins, il va se battre tout seul contre Ziggler et McIntyre. Il va être héroïque parce que c'est Seth freaking Rollins, mais quand même, il va prendre un dernier bon coup de pied dans la gueule et il va perdre. Du coup, victoire de ceux qui sont 2 contre 1. C'était pas vilain. Il y a eu des bons moments de catch. Ouais. Après, est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose, toujours cette histoire? Non. Non, hein. D'accord. Mon autre souci là-dessus, je vais passer franchement toute la revue de Raw, je suis désolé, mais je vais sûrement me plaindre de beaucoup de choses. Mon gros souci là-dessus, c'est Seth Rollins qui commence en disant Kurt, j'ai un problème, ça fait des semaines que je me bats contre soit Ziggler, soit McIntyre, et il y en a toujours un qui intervient. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Kurt, il aurait pas l'idée de Ok, je vais en renvoyer un chez lui, je vais l'interdire de ringside. Non, on va te mettre en tag team. Ouais. Et là, je sais plus, Rollins, il fait ouais, trop bien et machin, etc. Alors qu'au départ, enfin, le début de la conversation parle de la ceinture, etc. De la configuration, genre 1 contre 1 et machin. Oui, donc ça sert à rien. Finalement, le gars il lui dit en 1 contre 1, j'y arrive jamais. Ok, je te fais un tag team. Quoi? Il cherche à avoir un contre 1 clean et on lui propose de faire un match tag team. Donc ça a pas de sens. Et non seulement ça a pas de sens, mais en plus, ensuite Kurt il lui dit tu te démerdes pour trouver quelqu'un. Oui. Donc, c'est vraiment. Tout ça est tellement mal construit. Ça Ça m'a. pour retomber sur rien quoi, Oui, sur et par la suite, en plus, on se fout un peu de la gueule de Tyler Breeze. Donc, du coup, Tyler Breeze propose son aide. On se fout de sa gueule. Roman Reigns, il arrive, mode badass. Ouais, moi, je suis habitué à faire 2 matchs par Monday Nitro. C'est reparti. Ensuite. Il y a le Corbin qui. Enfin, Stéphanie McMahon et ensuite, donc du coup, Corbin qui annonce c'est pas possible, etc. Et là, Seth Rollins, il se dit pas, ah bah, je vais demander à Breeze ou finalement, je vais. C'est non, non, j'y vais tout seul, je vais trouver quelque chose. Et du coup, même pendant le match, on peut imaginer, ah, va y avoir quelqu'un pour le sauver. Ouais, c'est ça, on a entendu tout le match parce que Voilà. même l'affiche en elle-même, le 2 contre 1, j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu, on l'a déjà eu, non? Oui, Je je crois pense, hein. qu'il y a déjà eu un handicap match. Mais bref, on se dit, bon, après toutes ces déceptions, Roman, finalement, il vient pas, et machin, et tout, Seth Rollins, il trouve personne. Bon, ils vont nous sauver le match avec quelqu'un qui arrive à la fin, une surprise. Non, rien. Genre, Non, bah, littéralement rien. Seth Rollins n'a pas d'amis, C'est hein, c'est juste tout. déprimant. T'imagines être le public là-bas, tu vois. Que je me souvienne bien, c'était le main event? Ou c'était pas le main event? Ah non, le main Non, event, c'était pas tu le le main connais, event. il est Ah oui, c'est féminin, le main Ronda, event. oui, c'est Ronda, Il est autant pas pour moi. encore. Autant pour moi. Mais c'est parce qu'ils sont tellement habitués à faire le main event. Rollins et Ziggler que du coup, je l'ai dans la tête. Mais n'empêche que c'est le gros match, c'est censé être le gros match de la soirée. Parce que bon, Ronda, on verra que ça dure genre 1 minute 30. Voilà, c'est déprimant quoi. Enfin, le public là-bas, comment. Comment tu veux faire plaisir au public et tu fais ça? Un match où Ah, Rollins a juste aucune chance. si on a un public pas trop exigeant, il y a Seth Rollins, et il a délivré quelques trucs, mais oui, c'est sûr que c'est bon. Bah, ok, Ziggler et McIntyre, à deux, ils sont plus forts que Rollins tout seul. Ok, Mais. bah super, une super news. Ben oui, on a. Ouais, D'accord. on apprend. En fait, on n'apprend rien de ce match. On n'apprend Et. rien parce que ça dit même pas d'infos sur SummerSlam. Ah, ok, s'ils sont deux, ils sont plus forts, mais Et ouais, bon. est-ce qu'il serait à ce point débile pour à SummerSlam nous dire écoute Seth, c'est parfait, j'ai trouvé quelqu'un pour toi pour affronter McIntyre et Ziggler, ce sera à SummerSlam, comme ça on ne défend pas la ceinture, ce sera à SummerSlam et il y aura Dean Ambrose. Non, mais on n'est pas à l'abri d'une intervention, ouais, d'une Ambrose qui arriverait. On Pardon. sait pas, on Mais verra. non, mais voilà, c'est vraiment. Tout cet épisode de Raw ne sert à rien à part 2 passages pour moi. À part le passage de Paul Heyman et Ronda. Mais vraiment, hein, tous ces segments, si on les analyse un petit peu, tous ces segments ne servent à rien. Là, qu'est-ce qu'on a appris sur Rollins, McIntyre? On n'a rien appris. Qu'est-ce qu'on a appris sur la rivalité Reigns, Lesnar, alors qu'il était contre Corbin? On n'a rien appris. Non, non, bah Kevin Owens, comment? Kevin Owens, Braun Strowman, on en est au même point, course bénile pour. Pour la valise, c'est vraiment du recyclage, quoi. c'est le problème que la WWE book des matchs. Bah évidemment, ils vont pas booker les matchs pour SummerSlam une semaine avant. Il Non, faut non, non. quand même. Mais Mais une fois que c'est booké. une fois que c'est booké, ils n'arrivent pas à monter en dramaturgie, en intensité. C'est bon, bah c'est booké, on attend. Là, on attend. Mais ils savent pas, en fait, ils savent pas faire progresser. Comment? Bah la flotte, en fait. En fait, c'est pas une question de savoir ce que tu fais une fois que c'est booké. Normalement, une fois que c'est booké, t'as quasiment plus de temps, en fait. Enfin, je veux dire, tu peux pas occuper les gens pendant 300 ans une fois qu'un match est booké. En Ah là, faisant ça des fait long, promos à hein. la limite. Le problème, c'est qu'ils devraient prendre plus leur temps pour booker les matchs. Que les matchs soient plus mérités. C'est-à-dire que, je sais pas, bah, tu mets un peu plus de tournois quand même. Ou un peu plus de qualifications, un peu plus de logique dans tout ça. Et là, par exemple, je sais pas moi, la compétition là avec Roman Reigns, ça s'est joué en quoi? En 2 semaines? Là, Oui, c'est ça, deux les semaines. qualifs, les qualifs, ça s'est joué. Quoique, non, peut-être en 3 semaines. Parce que Non. ensuite, Non, non, t'as raison, attends, hein, je sais c'est deux plus. semaines. Ça s'est joué en 2 semaines. Ah oui, non, il y a eu les deux premiers. Ouais, il y a les deux matchs. Tu vois, ça, c'est trop rapide. C'est trop rapide pour moi, dans le sens où on n'a pas le temps d'avoir du suspense. Et puis surtout, l'autre problème qu'ils ont, c'est de. Ce qu'il faut, c'est que non seulement il y ait des qualifications et des matchs qui aient du sens et que la personne qui aille chercher la ceinture ait. Comment? La légitimité. Mais en plus, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient convaincantes pour être à ce spot-là. Et quand on nous remet Roman Reigns dans le lot, sachant qu'il a perdu au dernier pay-per-view, genre 24 heures après le pay-per-view, il vient de perdre. Et en plus, il vient dire qu'il a envie de rien, juste pour Voilà, une il a autre envie place. de rien, il a plus envie de la ceinture. Ouais, bah vas-y, retourne dans la title picture. Alors, vas-y, on te remet un match. On le voit venir à 200 km que vous allez le remettre en haut. Mais 200 km. Donc du coup, les matchs n'ont plus d'intérêt. Du coup, vous disqualifiez Ouais. l'intérêt de l'autre match de qualification et vous disqualifiez l'intérêt des autres catcheurs. Donc c'est ça le souci. Et s'ils pouvaient résoudre ce problème de prédit, je sais pas comment dire, le fait que tout est facile, Prévisibilité, ouais. prévisibilité, voilà, ça aiderait tellement. Parce que ça nous convaincrait que d'autres personnes peuvent arriver en haut, que d'autres personnes ouais, peuvent prétendre à la ceinture, et ça nous donnerait des weekly beaucoup plus intéressants. Parce que finalement, on passe notre temps à attendre les pay-per-view, c'est ça. La C'est ça. WWE, on passe notre temps à attendre des pay-per-view parce que au bout de 2 semaines, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe pour les 5 semaines à venir. Et ce qui est un peu chiant aussi, moi je trouve, c'est qu'il n'y a pas assez de. Si je peux en rajouter en plus, Ouais. je trouve qu'il n'y a pas assez de. Ils devraient voir les weekly plus comme comme des soirées où on vient voir du bon catch et croiser un peu plus les feuds. Là, Ziggler, Rollins, McIntyre, effectivement, ça fait un mois qu'ils font toutes les combinaisons possibles. Pourquoi ils disent pas. Bon bah allez, ce soir, c'est, je sais pas moi, un truc qui n'a rien à voir, c'est Ziggler contre Balor ou c'est Ziggler. Contre Bobby Roode, ou on change un peu, ou on fout McIntyre contre, je sais pas, contre Titus O'Neil. Enfin, on fait des trucs Oui. qui n'ont pas de rapport avec la feud, mais qui vont aider certains à devenir plus forts ou à paraître plus impressionnants. Ce que fait la New Japan. Bon, allez, je vais pas dire que la New Japan est parfaite, hein. Je suis pas Norbert Feuillant. Mais Ouh, sa feud! ce que fait. Oh là, non, faut demander à Ringside pour les vannes sur les autres podcasts. Mais la New Japan, ce qu'ils font, c'est pas un truc extraordinaire, mais quand des mecs ont pas de match de rivalité, ils les mettent dans un 3 contre 3, des moments même, je crois, 4 contre. Il me semble qu'ils font aussi des 4 contre 4. Et dans ce 4 contre 4, il y a 2 ou 4 personnes qui sont en rivalité, mais qui vont pas tout le temps être l'une contre l'autre, forcément, comme on est dans un tornado tag team, machin et tout. Donc, c'est comme ça que vous construisez des choses qui sont plutôt sympas parce que ça nous Ouais, c'est tease ça. dans des moments qui, généralement, vu que c'est un tag avec autant de personnes, c'est toujours énergique parce que tout le monde est à fond, parce que tout le monde est là pour 1 minute 30 de catch, ensuite tu t'en vas. Donc il y a toujours de l'énergie dans ces matchs-là. Tu rappelles qu'il y a une feud entre tel et tel gars. Et voilà, enfin, on est toujours dans l'esprit de compétition, mais on n'est pas obligé de se les taper pendant 20 minutes et d'avoir l'impression de regarder déjà le match du pay-per-view. C'est le problème, c'est ça, c'est que c'est trop cyclique, c'est-à-dire que tu sais que pendant un mois ou deux, on va bouffer que de ça, et puis du jour au lendemain, les mecs passent à autre chose et ils ont oublié ce qui s'est passé avant. Bon, Ouais, on on va va passer à avancer. autre chose, justement. Ouais, on va passer à autre chose, justement. Bon, on va passer à ton segment préféré. On va passer à Paul Heyman, qui est plus que broken. Donc, Paul Heyman, Heyman. il est interviewé par Renee Young, et bon, il est en coulisses, hein, il n'est pas du tout là. Il est, on dirait que ça fait une semaine qu'il n'a pas arrêté de pleurer. Il ne se rase plus. J'irai pas jusqu'à dire qu'il ne mange plus, mais en tout cas, il va pas bien. Ouais. Il a les yeux bouffis. Il est au 36e dessous. Il est déprimé par ce qui s'est passé. Donc, bon, bah, pour remettre le contexte, hein, depuis que Brock Lesnar l'a étranglé la semaine dernière, il a plus de nouvelles. Il répond plus aux textos. Il répond plus aux messages. Il est vraiment Paul Heyman dans la phase. Comment on dit, non-acceptation de la fin de la Le relation, quoi. Il déni. n'arrive pas, voilà, le déni, il n'arrive pas à croire que c'est fini. Pour lui, Brock Lesnar, c'est toujours son ami, ses enfants sont les amis de ses enfants. Pour lui, c'était évident, ça devait être un Brock Lesnar, ceinture WWE d'un côté, ceinture UFC de l'autre, et Paul Heyman derrière, donc il comprend pas, il est désespéré, alors il mène l'interview jusqu'au bout, il est assez émouvant, mais quand même, il finit. Alors, déjà, il finit par dire que Renee Young lui demande s'il a un autre Paul Heyman guy en vue. Il dit, ben, ça lui paraît inconcevable, hein, personne remplace Brock Lesnar. Bon, du coup, on oublie CM Punk, Ryback, Curtis Axel, tous ces gens-là qui furent des Paul Ouais, Heyman guys. Et non, enfin non, bon. c'est non, non, c'est inconcevable d'avoir quelqu'un d'autre que Brock Lesnar. Et par contre, il reste fidèle jusqu'au bout. Quand Renee Young lui demande son pronostic, il lui dit ben, ça va être Brock Lesnar qui va gagner à SummerSlam. Hein. Roman Reigns n'a aucune chance parce que Brock est déchaîné comme jamais. Alors, ce Paul Heyman au cœur brisé, ce Paul Heyman déprimé, est-ce qu'il est en train de tous nous manipuler? Est-ce Oui. qu'il n'est pas en train de overreact, comme on dit, sur cette relation? Non, parce que la façon dont il le raconte est vraiment géniale. Déjà, on peut pas retranscrire, faut vraiment la voir cette promo, mais on peut pas retranscrire à quel point il joue bien. Mais Ah oui, je sais pas s'il y a des maquilleurs ou c'est quoi, juste mais incroyable. Il commence l'interview en disant, vous êtes sûr, parce que là, je vais m'attirer des ennuis avec cette interview. Ensuite, il prend des pauses. Il y a des moments, il est à deux doigts de pleurer une nouvelle fois. Et il bégaye un petit peu. Des moments, il y a Et puis il raconte comme quoi bah, Lesnar il casse un peu le. Enfin, je sais pas si c'est vraiment casser le kayfabe, mais il parle du fait que ses enfants connaissent les enfants de Lesnar, que voilà, il le connaît depuis. Alors, les gens qui ont suivi Heyman depuis longtemps, ils savent aussi que Heyman et Lesnar, c'est une histoire qui, je sais pas combien d'années ça fait que Heyman et Lesnar sont. Deux associés Oh bah c'est depuis les débuts de Lesnar à la depuis les WWE, débuts, je ouais. pense. Depuis 15 ans. Hein. Donc voilà, ouais, c'est une histoire qui date énormément. Donc du coup, ça marche super bien jusqu'à ce qu'ils, à la fin, nous disent, je l'ai jamais vu aussi déchaîné, il va ruiner Roman Reigns. Et c'est là que du coup, ça commence à flancher. Je vais pas dire que ça ruine la promo, mais ça flanche un peu le truc où là tu fais, ok, tu te fous un peu de notre gueule. Là, on sent qu'il est à deux doigts de ressortir son rire machiavélique parce que dans la dernière émission il a fait un peu la même. Dans la dernière émission il était traumatisé par les Lesnar pendant tout le show pour finalement à la fin sortir un grand sourire. Avant de se faire donc du coup complètement étouffé dans une séquence qui était sacrément flippante. Ouais, I can't breathe. Là, je pense que Lesnar l'a prévenu qu'il allait quand même, il a quand même un peu poussé sur le coup, ça se voyait. Hein. Il faisait un semi-étranglement. Mais donc ouais, ça faisait un peu peur. Donc Ça pour toi, tout m'étonnerait ça, pas c'est que de la comédie. tout ça soit un grand plan et que on voit Lesnar le soir de SummerSlam venir pour peut-être essayer d'intervenir ou je ne sais pas quoi. Donc Ah, ça Eman, m'étonne. ouais. Voilà, je le vois comme ça. Ça me paraît bien trop. C'est bien trop. C'est bien trop évident, cette présentation de Lesnar, complètement brisée. C'est un nouveau plan. De Heyman. De Lesnar, de Heyman. Ouais, C'est un nouveau plan machiavélique. Il fait que ça, de toute façon. c'est ça. On a jamais vu Paul Heyman être sincère. Je ne crois pas. C'est exactement ce que j'allais dire. On comprendrait pas trop l'intérêt qu'il aurait à donner cette interview sincère, en fait. Ouais. Alors, bon. Après, il est sous contrat, il doit accepter les Oui, interviews, bien sûr. peut-être. Alors, moi, j'aimerais bien, je suis d'accord avec toi, ça serait beau qu'ils nous la mettent, comme disent les jeunes, qu'ils nous la mettent à l'envers là-dessus, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous joue l'histoire d'un Lesnar qui a plus envie d'être là, quoi, et qui se fait chier clairement, et qui a testé la semaine dernière les limites en voyant je pète la gueule à tout le Et monde. s'il faisait un finish de merde où Heyman coûte la ceinture à Lesnar? Genre, il le fait tomber du poteau, Je sais un pas, vieux non, truc. non, il vient, non, Ah. il vient l'aider à un moment, Lesnar se retourne, à ce moment-là, Reigns lui case un Superman punch sur la nuque, j'en sais rien. Non, mais après, ce serait vraiment un finish de merde. Ce serait. Ouais, faut voir. Après, Lesnar vaincu par distraction, ce serait quand même assez honteux. Je pense pas qu'il Après, accepte ce genre de truc, Lesnar. ouais, je pense pas. Après, Heyman, c'est pas un habitué des distractions. Déjà physiquement, Oui, il c'est. sait jamais rien. Et puis même à l'oral. Bon, écoute. En tout cas, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était une très bonne promo, que ce soit du lard ou du cochon, comme on dit. Oui, ben Et ouais. j'ai beau dire que c'est un des deux bons moments, enfin bon, une des deux bonnes choses de ce Raw, ça n'empêche pas qu'elle avance rien du tout non plus, la promo. Enfin, je veux Non, dire, c'est juste, elle nous mais fait pas beaucoup avancer. Mais ça fait passer voilà, un bon moment. c'est le jeu d'acteur qui fait tout. Bon, ben Ouais, écoute, vas-y. sur ces larmes, peut-être de crocodile de Heyman, on finit pour notre soirée de catch masculin, puisque ben on finit sur du catch féminin. Alors, Ouais. juste une phrase pour dire que Ruby Riott est de retour et elle a fait perdre Sasha Banks et Et Bailey. Bayley. Ah, une réaction? Non, bah, pas vraiment. Voilà. Enfin, je veux dire, moi j'aime beaucoup Ruby Riott toute seule, mais j'aimerais bien qu'elle soit toute seule, qu'elle soit plus avec les deux autres là, parce que je peux pas. Alors, je veux bien avouer que Mandy Rose sait faire des jolies cabrioles. Et que comment elle s'appelle déjà l'autre? Sarah Logan, mais Sarah Logan, non, Mandy Rose, c'est pas celle de non, ah non, je confonds Mandy Liv Rose avec Morgan. Liv Morgan. Elles se ressemblent tellement. Mais Oui. Non, c'est la même, hein. D'ailleurs, on voit plus Mandy Rose, donc. donc oui non, Liv Morgan. Non mais j'en ai rien à faire de ces deux-là. Et puis alors, en plus le match était insupportable parce qu'elles n'arrêtaient pas de crier tout le temps. Tout le temps. Ouais. Je me souviens d'une soumission qui a duré, mais j'avais l'impression qu'elle durait 2 ans, la soumission, et il y avait du coup. Putain, j'oublie son nom à chaque fois, bref. La Liv Viking, Morgan, Sarah Logan. Sarah Logan, qui était en train de crier en permanence. Enfin bref, non, c'était nul. On attend juste. En fait, tout ça, c'est pour essayer de nous installer, enfin de nous préparer aux ceintures tag team qui vont sûrement annoncer après SummerSlam. Ah, oui, je ne sais pas, Bah peut-être. oui, on verra dans SmackDown, c'est pareil, ils sont en train de nous préparer à des tag teams, bah c'est pas pour rien que Sasha et Bayley ont un nom de tag team maintenant, Ah, c'est quoi leur nom qui d'ailleurs? est super pourri, je sais plus, c'est Boss and Hug. Ah, d'accord. Ah, oh, oui, effectivement, c'est pas. Bah, écoute, Apparemment, on s'est habitué. Boss and Hug Connection, et c'est une référence à la... Rock and Sock Connection, non? Voilà. Ça, ça... Ouais, on est Voilà, d'accord. super. On s'est habitué à The Bar comme nom. Je pense qu'on peut s'habituer à tout. Ouais, mais The Bar, au moins c'est facile à retenir. Oui, c'est Bon, vrai. allez, parlons de Ouais, Main Event. parce qu'il y a un vrai main event féminin. Ce main event, c'est le premier match de Ronda Rousey à Raw qui affronte Alicia Fox, qui nous est présentée par Alexa Bliss comme une pionnière de la révolution féminine. Il y a une partie du public qui va quand même suivre, étonnamment, hein, une petite partie, mais bon, petite frange du public qui applaudit Alicia Fox, je sais pas trop pourquoi. Alicia Fox qui n'aura pas trop l'occasion de montrer grand-chose, hein, puisque, résumons-le très rapidement, Ronda Rousey la démonte en quelques minutes. Même si elle a dû faire face à quelques interventions, heureusement, elle peut compter sur Natalia. Alors, Natalia, j'ai un peu du mal, j'avoue, à cerner son rôle, hein, peut-être encadrer Ronda dans la WWE, mais bon, elle n'a pas besoin de ça, je pense, Ronda aussi. Enfin bref, toujours est-il que Natalia fait tomber Alexa Bliss, qui était en train de distraire ce qui se passait sur le ring, et elle finit par l'emporter. Donc victoire de Ronda Rousey pour son premier match à Raw. Pendant qu'elle se fait interviewer par Charlie Caruso, hein, c'est ça, à la fin du match, Alexa Bliss essaye de revenir à la charge, l'ennemi a toujours un second souffle, elle se fait passer par-dessus, prise de judo, Ça sonnait tellement faux. Et puis elle s'enfuit, et puis voilà, oui, c'était un peu... Ça sortait vraiment de nulle part. Pourquoi... J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, alors que l'interview avait déjà commencé. Ça avait vraiment aucun sens. Pourquoi elle aurait pu l'attaquer juste après le match ou un truc comme ça, mais là, pendant l'interview, c'était très bizarre. Très bizarre. Puis c'était désespéré comme acte. C'était... Parce que même si ça passait, il y avait Nathalie à côté, enfin, c'était complètement con. Non, mais bon. En plus, c'est Ronda qui commence sa phrase, ensuite elle se fait tirer les cheveux, elle lui fait. Je sais plus comment on appelle ça au judo. C'est une prise de base du judo, mais bref. Ouais. Elle prend par le bras et fait passer au-dessus d'elle. Et juste après, elle continue sa phrase au micro tranquillement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans quel segment? C'est le moment où. On est en interview ou pas? C'est là-dessus que finit Raw, donc c'est quand même le main event. Ouais. C'est vraiment à cause de Ronda que les filles sont en main event là. C'est pas à cause d'Alicia Fox. Non, mais. Non, c'est juste pour faire remarquer à quelques collègues caustiques du catch-up qui se moquaient de ma critique de la WWE sur l'utilisation des femmes, etc. Et surtout de l'annonce du pay-per-view. Là, on voit clairement qu'il n'y a aucune raison de mettre ça en main event. Enfin. Je veux dire, à part le fait que c'est Ronda Rousey, c'est pas une mise en valeur de la. Ce main event, c'est pas une mise en valeur des filles à Raw. Non. Mais c'est vrai que. C'est juste Ronda Rousey qui ramasse une ancienne jobbeuse qu'on essaie de nous faire passer. Enfin, que Alicia Bliss. Alexa Bliss. Ouais, essayer de nous faire passer comme une légende. Bon, après, elle était ironique quand elle parle de... Genre, c'est elle qui a amené la révolution, etc. Mais n'empêche que, parmi tout le monde, on a choisi Alicia Fox comme étant celle qui ferait le premier match contre Ronda Rousey. C'est un match de jobber qu'on met en main event. Ouais, c'est ça. Mais le problème, en fait, c'est que... Ben... Sans Lesnar et sans cette putain de ceinture universelle qui va bien nous revenir un jour, on passe des shows voilà, sans main event. Quoi, parce que, là, c'était très artificiel de les foutre en main event. Mais sinon, on va pas finir par l'interview de Paul Heyman, forcément. Il n'y a pas de Roman Reigns. Ça aurait pu être le titre intercontinental, mais oui, ça voilà, reste des plats. Ça aurait pu être ça, ou alors ça aurait pu être... je sais pas. Bah, t'aurais eu Roman Rollins contre Ziggler McIntyre, ça fait le main event, ça. Oui. Mais ils ont pas voulu du coup. Je sais pas. Ouais, ils veulent. Ils appuient tellement sur le fait que Roman Reigns est persécuté. Ils appuient chaque semaine. Il y a un truc. Chaque semaine, c'est oh pauvre Roman. Oh là là. Ils lui mettent vraiment des bâtons dans les roues, même s'ils lui ont donné une qualif. Gratuite après avoir perdu en pay-per-view. Alors, moi je suis pas comme Giscard, hein. Je suis pas très enthousiaste à l'idée de voir Roman Reigns champion et pour longtemps, mais je pense que ça sera pas le cas. Là, je vois gros venir gros comme une maison qui va partir après en feud contre Corbin, ce qui devrait pas être très très intéressant, mais je le sens bien comme ça là. Non, moi j'y crois pas qu'il sorte de la contention au titre. Moi je crois qu'il y a possibilité hein, Non, je pense que ça va se transformer. Je pense que le titre va être gagné soit par, je crois pas à Lesnar. J'avoue que je crois pas, enfin c'est possible, mais je crois pas que ça sera que Lesnar va gagner à SummerSlam. Je pense que ça serait une trop grosse déprime. Toute leur storyline c'est que Lesnar est un champion horrible. Donc je me dis, mais comment vous pouvez saouler autant les fans et continuer comme ça, j'y crois moyen. S'il perd pas là, bah voilà quoi, enfin, il perd jamais quoi. Ouais. Et Ça sert à rien de repousser à 3 mois l'échéance, oui. moi, les deux plus probables qui gagneront, c'est soit Reigns ou soit Owens. Je vois pas Strowman gagner avec la ceinture. Je sais pas. Je vois plutôt justement Owens. Parce que déjà, c'était une mauvaise idée de donner la mallette à Strowman. Ça lui va pas du tout. Mais pas du tout. Ça va pas du tout avec le personnage de Strowman d'avoir une mallette Ouais, pour c'est vrai. cacher. Oui, et puis il en a pas C'est un besoin, on l'a toujours babyface dit. de fou, c'est un monstre, il n'a pas besoin. Il n'y a aucun aspect de son personnage qui est en lien avec le fait de. Enfin, qui a besoin d'une opportunité. Braun Strowman, il n'a pas besoin d'une opportunité, il se crée lui-même, il défonce tout le monde. Donc voilà, c'est débile. D'ailleurs, si on prend la logique de Braun Strowman, normalement, il aurait eu la ceinture et il l'aurait cachée dès que possible. Parce que c'est Braun Strowman. Ouais, et bah oui, mais Lesnar est pas là. Donc, Mais oui, c'est vrai mais tu sais, il peut-être qu'ils pourrait vont. le convoquer, dire la semaine prochaine je veux cacher mon contrat et Lesnar est obligé d'être là. Mais je pense que. Enfin, ça doit faire partie de la stipulation. Enfin, tout ça pour dire que ce main event était vraiment pas terrible à part le fait que Ronda Rousey fait ses prises à 4 fois la vitesse de n'importe quelle superstar féminine. Enfin, Oh, quand allez. elle fait une prise, Ronda, elle prend pas son temps pour qu'on la voit à la caméra. Elle l'a fait, ça dure une seconde, ça dure à peine une seconde. Et c'est très violent. Donc, pour montrer la violence de Ronda Rousey, ça a fonctionné. Voilà. Bon, allez, on parle de Smack. Ouais, passons à la suite. C'est vrai que bon, pour le moment, Ronda Rousey, elle On réussit, mais on verra bien. Eh ben, passons à SmackDown, puisque c'est ce qui s'est passé le lendemain, donc. Show un peu plus court, comme toujours, plus digeste pour certains, nous allons voir. SmackDown commence par une promo de Randy Orton qui là non plus n'avance pas forcément beaucoup par rapport à ce qu'il a dit les dernières semaines, mais il continue à dire que ben putain, il est Randy fucking Orton qui a tout gagné, les fans ne le respectent pas, donc ben maintenant il va devenir ultra violent, quoi. Il va devenir gore, il va devenir. Et les gens vont changer de chaîne tellement ça sera violent. Alors, bonne. Enfin, moi, Orton, je trouve que là, il a une très bonne diction, il est très convaincant en promo. Le problème, c'est que le texte colle pas parce que je trouve que les fans, Ah les non, fans, oui, si, non, les fans le respectent. respectent en fait. Ouais, c'est ça le problème. C'est Donc, le souci. En le plus, mec. il a terminé sa promo en disant, en appelant quasiment le public, il a fait RK et le public a fait O. Ouais, donc c'est ça. Donc ça sonnait un peu comme, genre, vous me respectez pas, mais je vais quand même vous faire, pas vous faire chanter, mais du coup, il appelle un peu le public à sortir les trois initiales. C'était vraiment une promo moins bonne que la première qu'il avait fait sur le fait que il n'a pas un style acrobatique et blablabla et ses Ça critiques s'est fait. qui étaient beaucoup plus malin ou maligne plutôt comme promo parce que c'était une promo qui n'était pas sur le public en particulier qui était plutôt sur les fans hardcore enfin pas les fans hardcore mais on va dire les fans de Oui. catch Et puis, il mettait en avant son style qui était ouais critiqué, voilà. alors que là, il a plutôt parlé de sa carrière. Et bah ouais, enfin, c'est pas la première fois. Hein. Moi, à chaque fois, ça me saoule. Je me souviens que CM Punk avait fait pareil. Sheamus avait fait pareil. Les mecs, ils ont tout gagné. Ils ont été acclamés, enfin, partout. Et puis, tout d'un coup, ils disent, non, je trouve que vous ne me respectez pas. Je sais pas pourquoi. Alors, du coup, ça peut aussi les rendre encore plus vils. Tu dis, merde. Coco, tu deviens exigeant là. Mais Ouais, non, ça marche. Non, mais ça marche moyen, et puis c'est vraiment un ressort. Pour le coup, c'est peut-être mon seul point un peu négatif de ce SmackDown. Ouais, c'est une nouvelle fois. Ils vont chercher. Ils en avaient pas besoin, ils auraient dû continuer sur le même. La même idée que la première promo, mais là ils ont encore joué sur la corde qu'ils utilisent 50 fois de vous manquez de respect. Je veux du respect, vous manquez de respect. Ah CN oui. Almas a fait la même à NXT. Hein. CN Almas a fait la même à NXT. On a eu comment il s'appelle? Kenta. C'est. Oui, Hideo Itami. Hideo Itami a fait la même quand il était à Raw. On peut vous sortir, mais au moins 10 exemples sur les 2 dernières années de gens qui ont fait des promos comme ça. Donc, c'est. Voilà, c'est dommage parce qu'ils avaient commencé sur un truc créatif et puis là ils partent sur ce truc. J'attends de voir. Bon, ouais, et alors en Qu'est-ce qu'il va plus, faire? Il va intervenir dans le match donc du coup Attends que je me. ben Ouais. non, oui, effectivement, pour le moment, on sait pas trop ce qu'il veut, Randy Orton, puisque le match, c'est Jeff Hardy contre Nakamura pour la ceinture US. Donc, pour le moment, il n'a pas de programme à SummerSlam. Ça me semble assez évident qu'il va intervenir dans le Euh, match, mais. oui, ça me semble tellement évident qu'il serait peut-être temps de penser à prendre des mesures, là, si on est Jeff Hardy déjà, et Ouais. Je comprends pas pourquoi c'est pas un si on est triple Jeff. threat en fait le match. Ah, ça va peut-être encore Là, venir, mais ça me ce. semblerait logique. Mais ouais. Donc, c'est pas que c'était un moment pénible parce que voilà, là, on sent qu'il est investi dans ce qu'il dit, en tout cas. Mais c'était générique. Ouais, c'est vrai. Alors, dans le style générique, ça l'est aussi un petit peu. Charlotte et Becky Lynch, on passe aux filles. Donc, Charlotte rentre dans le match pour la ceinture de SummerSlam, donc ça va être un triple threat. Becky Lynch, donc Charlotte et Carmella. Les deux se croisent en coulisses, elles se disent non, désolé, bon, je comprends, c'est la compétition, oui, mais du coup, t'as moins de chances pour gagner, non, mais c'est pas grave, tout ça. Ce soir, on a un match tag team, ah, on va bien s'entendre. Ah, bah oui, on n'est pas Sacha et Bayley. Là, allez, petit geste avec le thé là. Donc Charlotte et Becky Lynch ont un match contre The Iconics, les deux Australiennes. Les deux, donc Peyton Royce et Billie Kay, se foutent un peu de leur gueule au début comme d'hab. Ouais, Pendant le elles ont sorti match, quand même une bonne vanne sur Becky Lynch. J'ai trouvé que vas-y. c'était bien appuyé. Non, mais pendant toute la soirée, en fait, on a rappelé ce truc-là. C'est donc du coup, je sais pas si c'est Peyton ou mince, je me souviens plus de l'autre. Billy qui sort ça, mais qui dit, mais elle est où Becky et tout? Parce qu'au début, ils ont trash talké Charlotte et puis après, ils ont fait, mais Becky, elle est où? Je la vois pas et tout. Ah mais je sais, elle est comme d'habitude dans l'ombre de Charlotte. Et donc j'ai pas compris pourquoi le public gueulait boring pendant leur promo, parce qu'elle Oui, était là, elle, elle était bonne leur promo, mais bon. Ouais, il y a eu une hit que j'espère sera prise par les bookers comme de la bonne hit, mais c'est vrai que boring, c'est jamais bon signe. Ouais. Mais Bon, après, ouais. bon, il y avait Carmella au commentaire qui n'a rien fait d'autre que gigoter. Et puis, bah, c'est quand même les gentils qui gagnent. Charlotte et Becky Lynch gagnent sans souci, hein, sans tension ni rien. Mais c'est Et à Charlotte la qui gagne, hein. C'est Becky qui est en difficulté et c'est Charlotte qui gagne. Et à la fin du match, ben, elle se revoit pour se dire, hey, c'était bien, on a gagné. Ah oui, mais attention, parce que dans 2 semaines, là, ça va être chacune pour soi. Donc on nous joue ce côté un peu chiant. Hein. Moi, ça m'a rappelé aussi quand il y avait Finn Balor Ah et bon? Seth Rollins là. Pour la... Ouais, moi j'ai trouvé ça un peu. Alors moi je trouve ça beaucoup. Moi j'ai Ah beaucoup bah, aimé, mais je pas trouve tout ça seul. beaucoup mieux écrit. Que Sacha et Bayley? Voilà, Oui, voilà. bien sûr. Imagine la même chose avec Sasha et Bailey. Sasha et Bailey, ça ferait quoi? Ça ferait genre, je vais te voir en coulisses, et c'est genre, je veux être ton ami, Oui. mais machin, et genre, oui, mais moi je suis la meilleure, je suis la boss. Non, mais moi je t'ai déjà battu. Ah, non, c'est la différence entre elles sont matures, Becky et Charlotte, dans les segments. C'est pas des gamines. Oui, ça je suis d'accord. Mais Donc pour elles ont. reprendre un peu ce que tu disais au début, ça fait quand même assez générique là. Les meufs qui se demandent, attends, on va s'affronter, mais du coup ce soir. Ce soir, on est quand même. Ouais, quand même, on est en tag team. Ça, bon, tu vois, c'est. Bah oui, mais soit tu fais un segment qui explique un petit peu comment elles en arrivent au fait d'être quand même en tag team, ou alors tu fais rien et ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai. c'est genre. C'est justement comme Sasha Bailey, tu vois. Sasha Bailey, il y a des semaines où elles avaient aucun segment au micro et elles étaient en tag team. Et tu fais, mais quoi, vous vous êtes foutu sur la gueule la semaine dernière? C'est sûr. Dans les coulisses. Toi, tu as mis l'autre dans une table la semaine dernière. Ah oui, mais ça s'est tellement étiré en longueur maintenant Et que. elles se sont fightées. Bailey et Sasha Banks, on a vu des séquences, au moins 2 séquences comme ça, backstage, au milieu de cette période où elles étaient en tag team. Oui, hyper violente. Hyper violent, mais hyper. Genre, je te balance sur les casiers des vestiaires, ensuite je te balance Sur la bouffe. sur plein de trucs, des trucs de 2 minutes où elle se marave la gueule. La semaine d'après, c'est oh, je suis désolé. Mais non, non, ça peut pas marcher, ça. Tu peux pas faire je suis désolé après avoir ruiné la gueule de quelqu'un la semaine d'avant. Ouais, Il y a au non, minimum un c'est. match. Il y a au minimum un match. Donc, Bon, c'est pas notre sujet du non, c'est pas soir, mais notre donc sujet, mais alors c'est pour pour ça ça que ça que. te convient là pour C'est le pour ça moment, que j'ai mais fait une Richard. vidéo sur Bailey, hein. C'était Ouais, un peu très parti de bonne ça. vidéo d'ailleurs, regardez-la. Et Ouais. dites à un copain de s'abonner. Appelez un ami. Mais donc, tu veux que je parle du match? Vite fait. Bah, je sais pas si t'as, ouais, Dans si t'as un le truc à match, dire ouais, sur le la. match, il n'y avait pas grand-chose à dire. Un nouveau truc que j'ai bien aimé, qui fait partie pour moi du storytelling, c'est le fait que Becky Lynch, dans ce match, a été en difficulté et que le hot tag c'était Charlotte et que Charlotte a maîtrisé super rapidement quoi. Et que du coup on appuie encore plus sur le complexe d'infériorité de Becky Lynch. Oui, Pour moi c'était évident. La fin du match, c'est Becky Lynch, elle reste à terre à la fin du match dans le coin. Elle était essoufflée et tout. Et elle reste à terre et tu sens qu'elle est quand même. Genre, elle est vaguement contente d'avoir gagné, mais plutôt vénère que ce soit Charlotte qui ait fait une nouvelle démonstration ouais, de alors force. là pour le coup, c'est vrai que c'est bah, je veux dire, il y a trois, bon, peut-être pas 3 semaines, un peu plus, mais Becky, elle était beaucoup plus sur une phase ascendante et elle a commencé sa phase ascendante quand elle avait réussi là, à battre Charlotte Clean là, Ouais. en la coinçant dans la prise de soumission. Donc c'est vrai que c'est on repart sur des fondamentaux comme on dit, ce qui est logique vis-à-vis des personnages, mais ça aurait été intéressant de voir aussi. Bah, ça dépend si on va vers un heel turn de Charlotte que tout le monde espère, je pense. Ça aurait été intéressant de Moi, voir je crois aussi que Charlotte avoir peur d'une montée en puissance de Becky Lynch. la rumeur du moment, il me semble que c'est plutôt Becky Lynch qui serait en heel turn. Moi, ça me plairait pas, mais parce que Comme ça, non. je pense que Charlotte est la meilleure. Maintenant que Sasha Banks est, pour moi, je sais pas si un jour on récupérera la Sasha Banks d'NXT, je pense pas. Je pense qu'elle est trop populaire ou un truc du genre. Mais Charlotte est la meilleure heel féminine. Quand Charlotte est heel, si vous voulez regarder des vidéos de. Allez-y sur YouTube, regardez des vidéos de Charlotte championne à Raw à son époque heel. C'est très très bon, c'était la belle époque. Ouais, elle a eu quelques mauvaises promos, je vous avoue. Mais Oui, les promos, oui. généralement, c'était ses promos quand elle est passée babyface. Mais sinon, elle est juste en heel, on sent que elle a ça dans le sang quoi. Donc Charlotte en heel contre Becky Lynch en face, ça j'en veux. Si on nous donne pas Sasha Banks contre Bayley parce que on le demande, ça fait 2 ans qu'on le demande et à la WWE c'est tout en fuck fuck, allez vous faire foutre. On va vous le teaser. Ah non, on le fait pas, on va vous le teaser, on vous le fait pas. Ah maintenant ils sont en tag team pour une ceinture qui n'existe pas encore. Youpi. Donc ouais, j'espère que c'est l'inverse. J'espère que c'est Charlotte qui finalement sera la heel. Mais il y en a une des deux qui va tourner. Il y en a une des deux, ça me semble Oui. évident là. Mais on verra. Écoute, on verra, je suis plutôt de ton avis, mais on verra. Eh bien, écoute, on passe à la suite. Alors, Ouais. très très rapide, le titre WWE quand même, nous l'oublions pas. Samoa Joe la semaine dernière a un peu mis en. Merde, j'ai perdu mon expression. Mise en doute les qualités de bon père de famille de AJ Styles. AJ Styles, il est vénère et il dit que ben il va défoncer Samoa Joe, que Samoa Joe ne sortira pas de SummerSlam champion et que même à la limite, il n'en sortira pas du tout. Samoa Joe, il regarde ça devant sa télé en mangeant des pop-corns et il rigole. Avec un bleu à l'œil. Est-ce qu'on trouve pas, moi c'est mon avis personnellement, que ce putain de dream match qu'il a, moi, me fait pas mal saliver pour une affiche de champion de WWE à SummerSlam, et pas en train de complètement passer sous le tapis comme si c'était une feud de second, voire de troisième zone. Je sais pas, c'est. Enfin. Moi j'aime bien cet angle. Parce que de base, en fait, si tu me donnais l'angle sans la promo de AJ Styles, j'aurais dit ouais, non, je non, non, les histoires familiales, genre oh, t'as touché à ma famille, blablabla. Bon, bof. Le truc, c'est que AJ Styles le vend super bien. dans sa promo, parce que il explique, bah en fait on est un peu dans le même, dans la même idée qu'avec Heyman, c'est-à-dire que AJ Styles, il connaît, il le dit dans sa promo, il connaît Samoa Joe depuis tellement longtemps, leurs familles se connaissent. Ils ont fait des barbecues, je me souviens, ensemble. Donc, non mais il y a tout un historique derrière, ils ont voyagé à travers le monde ensemble, etc. Et puis on sent que AJ Styles, et c'est ça qui rend la rivalité pour moi intéressante, c'est que AJ Styles, il est pas simplement, il est pas dans le déni, contrairement à, je sais pas moi, un John Cena qui répondrait, tu vois, il serait complètement dans le déni, il se foutrait de la gueule de l'autre. AJ Styles, il se fout pas de la gueule de Samoa Joe. Il dit sérieusement, ça me fait chier, et il dit presque, ça me fait chier parce que c'est vrai, quoi. Parce que il dit je loupe les anniversaires de mes enfants, je loupe il le dit, je loupe les anniversaires Ouais, de tout le je suis monde. sur la route de 100 jours par an. Je suis pas là pour les relever quand enfin je sais plus, il donne l'image en fait de ses enfants qui tombent, etc. Et il aimerait bien être là pour les relever, etc. Et donc après c'est une thématique qui est vachement américaine. Donc c'est enfin genre la famille c'est un truc. Genre les Américains, la famille, c'est genre la thématique. Je pense que c'est plus important. Enfin, ça touche beaucoup plus les Américains que je sais pas moi, qu'un Européen qui regarde ça. C'est possible. Donc moi, j'ai bien aimé cet angle, même si il a ses limites, parce que bien sûr, si tu pousses la logique jusqu'au bout, en fait, c'est débile parce que Samoa Joe lui aussi a une famille. Donc du coup, s'il devient champion, ça lui fera la même chose. Voilà, mais je trouvais qu'AJ Styles le vendait vachement bien dans sa promo. Ouais, moi je au niveau de l'implication, les Le promos sont. problème, oui, le problème c'est que derrière, oui, il y a la ceinture, et la ceinture est un petit peu, c'est vrai que la ceinture est un petit peu oubliée derrière tout ça, et on met plus en avant la famille qu'autre chose. On Mais c'est va quelque en chose de parler. nouveau, c'est quelque chose de nouveau pour Styles, qui a toujours eu des rivalités, qui étaient très concentrées sur la ceinture, je trouve. Alors c'est vrai, moi ce que je trouve ça pas mauvais, mais c'est vrai, on va finir SmackDown, mais tu as l'impression que voilà, c'est limite la troisième, quatrième rivalité de la hiérarchie du show, quoi. Ouais, Ça passe un peu comme ça, quoi. c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Après, peut-être aussi que Joe est un peu diminué. Je sais pas, il avait un bleu en fait. Apparemment, c'est un truc qui s'est passé en house show. Bah, il était contre Styles parce que en house show, il affronte Styles en ce moment. Donc, je sais pas s'il pouvait pas faire un match tag team ou un truc comme ça. Je sais pas. Ah, peut-être que c'était Peut-être un qu'au projet. départ ils avaient prévu, ouais, ils avaient peut-être prévu plutôt un match tag team avec je ne sais qui, mais. Ouais, ça, on saura pas, on verra la semaine prochaine. En attendant, tu parlais de la famille qui nous tient à cœur. Eh ben, on va parler d'une belle famille, la famille Rousseff. Oui. Rousseff et Lana se pardonnent leur petite dispute de la semaine dernière. Ils vont même pardonner à Aiden English d'avoir causé la défaite de Lana. Mais il lui demande quand même gentiment de pas trop être là ce soir parce qu'il y a la revanche. Zelina Vega contre Lana, deuxième édition. Et oui. Sauf que, ben, encore une fois, 2-0 là aussi. Zelina Vega, elle arrive à s'en débrouiller. Elle arrive à s'en débrouiller, même si Rousseff envoie Sian Almas assez violemment contre les barricades. Hein, c'était physique. Zelina Vega s'en est pris physiquement à Rousseff. Je crois que c'est la première. Elle aime bien ça à NXT. Elle faisait beaucoup d'interventions. Elle attaquait beaucoup les hommes. Là, dans le main roster, ça, c'est un début. Mais c'est ce grand con d'Aiden English qui a voulu lui aussi venir aider et qui a fait Ouais, glisser bon, Lana. Bon, on va alors, passer vite là-dessus quand même, on va pas tout raconter. Hein. à sa décharge, Lana, elle n'a pas beaucoup Bon, d'équilibre. Elle bref, perd. Et donc, ils sont. il y a toujours une embrouille entre Rousseff et Aiden English. Zelina, elle a encore gagné. Et puis, Cian Almas, il fait rien du tout. Voilà, c'est le résumé de c'est le résumé de la FUD. Ça t'a pas séduit? Non mais on s'en fout, enfin, on attend qu'il se passe quelque chose, quoi, qu'ils se séparent ou qu'ils se séparent pas, mais on est. C'était pas désagréable, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien à raconter là-dessus, je pense. Ouais, c'est un petit moment. Donc, bah, si on continue dans les grands moments de ce show pour moi, R-Truth est venu défier Nakamura. Ah oui, j'avais oublié ça. Un excellent. Alors, je dis quand même la blague, j'ai trouvé très drôle. Il est en coulisses pendant que Nakamura se fait interviewer. Il veut un title shot et il dit pour l'obtenir, bah, il est prêt à faire comme tout le monde la retrouve, c'est-à-dire il est prêt à pin Carmella. C'est rigolo. Voilà. J'ai pas compris cette blague par contre. Mais devait y avoir un lien. Je sais pas. Si, c'est parce que c'est Becky Lynch qui a gagné, qui a battu, Ah qui a eu oui! son title shot. Hein. Bon, bah, voilà, c'était Oui, une petite blague, mais. c'était juste à côté. Non, mais je pensais qu'il y avait autre chose en fait. Je pensais qu'il y avait une autre blague Non, derrière. pas de Ok. sous-entendu derrière. Et un truc fait un match contre Nakamura, perd bien évidemment en quelques Ouais. minutes, mais ça fait 2 semaines que je le trouve assez drôle, moi, Oui, voilà. Arthur. C'est bien, Rien. ça occupe les gens. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on lui laisse, genre, généralement, on lui laisse au moins 1 minute de match où il est convaincant. Ouais. Il a au moins 1 minute, 1 minute 30 où il est convaincant avant de mourir. Genre, Samoa Joe l'a laissé catcher pendant 1 minute 30 avant de lui mettre une coquine à clutch. Et là, c'est Nakamura qui le laisse catcher pendant 1 minute avant de lui mettre un enchaînement et Kinshasa. Ça n'avance Oh, pas plus voilà, puisque Jeff Hardy sympathique. ne sera pas là ce soir. Quelque chose qui avance peut-être un peu plus, et je sais que ça t'a plu ce segment, c'est le Miz qui est interviewé par Byron Saxton, Oui, mais il est pas là, le Miz. via Il est satellite. voilà, via satellite, il est sur le plateau de Miss and Mrs. Donc il est une très très grosse star. Bon, l'interview, je détaille pas, mais le Miz essaye plutôt de glorifier tout ce qu'il est en train de faire hors WWE, c'est-à-dire télé-réalité et autres. Il veut pas trop parler de Daniel Bryan, mais il finit par en parler en disant qu'il en a marre de porter Daniel Bryan et de le mettre en avant. Sauf que Bryan, il a trouvé l'adresse. Et il apparaît tout d'un coup, il apparaît au milieu de tout ça, alors il a dû passer toute la sécurité, parce que j'imagine qu'il y a quand même des sécurités hors caméra. Il arrive à tabasser The Miz, il arrive même à passer à tabac les mecs de la sécurité, mais il finit avec un pot de fleurs sur la gueule. Ah Donc oui! ça finit violent et le Miz en sort quand même du coup plutôt gagnant de cet affrontement. J'avoue que j'avais Donc détourné un peu le regard au moment où il y a eu le pot de fleurs, et donc du coup le j'ai entendu le bruit, j'ai fait Oh! Qu'est-ce qui se Pot de passe? fleurs, le pot de fleurs. Eh ben Incroyable. alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette feud, puisque quand même, oui, c'est ça, c'est la Alors grosse tout le. annonce. Le Miz a officialisé le match. Il accepte d'affronter Daniel Bryan à SummerSlam. Ouais. Alors, moi, ouais, j'ai adoré la promo du Miz. Mais en fait, c'est juste. Il n'a pas dit grand-chose de nouveau, à part que. Je sais pas trop comment il. En fait, j'ai pas trop compris comment il justifiait le fait d'avoir un match, à part le fait qu'il disait juste, bon. Tu veux le spotlight, et bah tu vas l'avoir, et ça sera la dernière fois, enfin la première et la dernière fois, un truc du genre. Mais donc du coup, Ah, il dit un peu qu'il en a marre, il veut, qu'on lui oui, dise qu'il se voilà. cache, qu'il se plaint, qu'il est coureur. Là, il est en mode. Il fait un peu le grand prince. Il dit: Moi, j'ai pas besoin de ce match. Daniel Bryan en a besoin. Mais bon, ben, me faites pas chier. Ok, j'y vais, quoi. Ouais. Moi j'ai trouvé une mise excellente. Par contre, Daniel Bryan passe pour un psychopathe. Ben, Daniel Bryan dans l'histoire, dans le kayfabe, parce que ça se passait en coulisses, hein, ça se passait pas à 2000 km. Mais Daniel Bryan dans l'histoire, il a pris un avion pour aller agresser le Miz. Donc quand même, c'est pas. Mais il est tombé sur le bon timing, hein, parce qu'il n'a Il est pas un peu. raté l'interview. Ouais, il est un peu dérangé quand même, Daniel Bryan, dans cette histoire. Mais voilà, et moi quand j'entendais le Miz là, dans ce segment, j'étais en train de me dire, alors je vais sortir un truc complètement ridicule, que tout le monde va se foutre de ma gueule, mais il me faisait penser au Rock, le Miz dans ce segment. C'est-à-dire qu'il n'arrête jamais, et il y a rien, il dérape jamais, il dérape pas sur un mot, il parle à 100 à l'heure, et il est. Et tout a un sens dans tout ce qu'il dit. Tout est carré. Il est tellement bon. Enfin, il détruit tout le monde. Moi, les gens qui me disent oui, Samoa Joe, oui, je sais pas moi, qui y a d'autres comme parleur à la WWE, même Ziggler, ou je sais pas. Bref, tout le monde. Pour moi, le Miz détruit tout le monde aujourd'hui. Bah, le Miz est Mais excellent, il vraiment, a. au micro, et c'est pas une question de comédie, enfin, vous pouvez prendre tous les genres, que ce soit un mec au micro qui fait de la comédie ou qui est au sérieux, etc. Il fait tout le Miz, quoi. Il fait tout, mais il fait ça tellement bien. Et pour moi, c'est lui qui vend la rivalité, c'est pas Daniel Bryan. Hein. Ah bah C'est oui, clairement. vraiment le Miz, il fait tout le boulot. Hein. Je ne sais pas Et si c'est si on a demandé à Brian de si c'est je sais pas de qui vient la décision que Brian parle très peu dans cette rivalité, mais en tout cas le Miz fait un boulot incroyable pour l'avant. après moi, bah, pour le coup, pour revenir à ce que tu disais, beaucoup de gens disent que Brian s'en sort très bien au micro. Moi, je l'ai jamais trouvé exceptionnel, à part quand il part dans des trucs très très émotionnels, comme quand il prend sa retraite. Mais bon, ça, il peut pas nous le faire tous les 4 matins. Non, mais là, moi, clairement, j'ai envie d'un. Je veux que c'est l'histoire qui nous est contée, que Brian gagne. Mais j'ai pas envie que ça soit. J'ai envie que le Miz gagne un des matchs, quoi. J'ai envie que le Miz gagne SummerSlam. Ah oui, mais ça serait quand même assez dommage de faire cette rivalité, enfin d'avoir fait toute cette rivalité pour nous offrir un seul match. Moi, je trouve vraiment que ça devrait durer un peu plus longtemps. FG dans le chat qui me dit Samoa Joe est tellement meilleur que le Miz au micro. Oh C'est juste non! que t'aimes le catcheur, c'est juste parce que tu Quelle préfères Samoa provoque! Joe dans le ring. On parle de micro, hein, on parle pas de. Je suis pas en train de te dire que le Miz est le plus grand catcheur au monde. Je suis en train de te parler simplement du micro. Samoa Joe C'est des est. styles différents! Oui, c'est des styles différents aussi. Samoa Joe est un style au micro, mais Samoa Joe, pour moi, du moins à la WWE, il a montré un style au micro. Le Miz, il peut faire des choses très différentes. Il peut être super sérieux, il peut sortir des grosses, grosses conneries, il peut être très ironique, et il a vraiment une palette qui est genre super grande. Après, est-ce qu'il fait des matchs 5 étoiles? Non, mais moi j'en ai un peu rien à faire des matchs 5 étoiles. Sinon, je passerai mon temps. Je vais pas balancer une vanne à ringside, mais je passerai mon temps à regarder le G1. Mais moi, les matchs 5 étoiles, au bout de 3 jours de matchs 5 étoiles, j'en peux plus. Enfin, j'ai besoin d'un peu plus de. J'ai besoin de gens qui parlent un peu au micro. C'est pour ça que je regarde encore la WWE, tu vois. Sinon, je regarderais Progress et la New Japan toute la journée. Donc voilà, le Miz est ce qu'il y a. Voilà, le Miz est l'essence de la WWE. C'est ça, en fait. Mise à compris et C'est le divertissement, le Miz. enfin, moi, il m'impressionne comment il arrive à faire toujours plus fort, oui, chaque année. Non, là, il est brillant et il porte. On dirait que c'est lui qui joue la rivalité de sa vie, ouais, c'est clair. Bah écoute, il nous reste quand même un main event et ce fut un très beau main event. Donc rappelons hein, Ouais. qu'on a un tournoi pour les successeurs, enfin pour les successeurs, pour les challengers aux ceintures tag team des Blue John Brothers. Donc c'était New Day contre The Bar. Je ne détaille pas plus que ça, mais très bon match d'une vingtaine de minutes. La foule était à fond sur la fin. Il y a eu plein de near falls. Il y a eu deux ou trois fois où j'ai cru que c'était vraiment fini. On a cru que The Bar allait gagner. On a cru que le New Day allait l'emporter. Et puis finalement, ben, le New Day a réussi à l'emporter. Ils ont réussi à placer leur Midnight Hour. Ils ont réussi à coincer Cesaro pendant que Sheamus avait pris le poteau à l'extérieur. Donc, ben, les trois Lascars se repositionnent dans la course au titre. Et ils affronteront les deux Golgoths qui eux ont fait une petite promo en coulisses très mauvaise, j'ai envie de dire très très récitée comme ils font toujours avant de tuer trois jobbers. Donc bon, on s'en fout un peu, c'est pas des bons Ah oui, champions. non, désolé, j'avais Les... mal suivi, je croyais que tu étais en train de parler de la promo de New Day. Non, d'accord, la Non, la promo des promo Blood Jeunes. des Ouais, les Blood Blue Jeunes. Jets, Les c'est toujours horrible. Blood Jeunes Brothers, c'est poubelle. Poubelle. Mettez ça à la poubelle. Les costumes, ridicules. Je le dis depuis le début, je sais plus qui dans notre équipe était hésitant, on disait, ouais, les Blood Jeunes, ça peut être sympa. Non! Leurs costumes sont ridicules, on dirait qu'ils font du cosplay. Le marteau, non! Pourquoi le marteau? On n'est plus dans les années 80. Et niveau catch, c'est nul aussi, c'est chiant. Alors, vous pouvez me dire qu'ils faisaient des super matchs, je sais pas, quand ils étaient en Indé, quand ils étaient dans les frères Wyatt, tout ce que vous voulez. N'empêche que les matchs qu'ils font maintenant, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier, puis c'est des matchs expéditifs. Il n'y a rien, il n'y a pas de C'est ça le tension. problème. Moi, je confirme, hein, il y avait des putains de matchs de Rowan et Harper à l'époque de la Wyatt Family, mais là, ils les ont construits en mode surpuissant. Effectivement, ils font des matchs, ils ont très peu de prises, c'est des mauvais matchs, et leur style est mauvais, moi je suis d'accord, leur promo, enfin, Voilà, c'est chacun dit sa phrase, on a une seconde de blanc, l'autre prend la suite. Non, c'est pas bon. Mais bon, on a eu quand même un bon sursaut de la scène tag team avec ces excellents matchs. Ouais. Et The Bar, je ne sais pas Mais ce que ça va donner leur moi avenir. j'ai envie de voir New Day contre The Bar pour la ceinture. Oui. Oh, là, Jeff, pas Mais mal de bon, fois. oui, bah en même temps, Ils arrivent. on a déjà vu New Day contre les Usos, on a déjà vu Le Bar contre les Ouais. Usos, C'est vrai on que. les a toujours vus. Hein. Mais juste dans le chat HD, je suis d'accord, hein, tu me disais niveau micro, il y a Cena au niveau du Miz. Je dirais même que le Cena est au-dessus du Miz. Cena est au-dessus de littéralement, je pense, tout le monde ces 10 dernières années. C'est toujours une question de style. Cena, Ouais. il a toujours aimé. C'est vrai que Cena est, bon, un mec hyper à l'aise, mais Après, il peut lui. sortir de la grosse merde, Cena, au micro, Oui. mais c'est-à-dire que on l'oblige à sortir de la merde. Oui, Donc. c'est ça. Et c'est vrai que le personnage du Miz est jamais parti dans ces espèces de grosses farces parce qu'il a jamais été face non plus. Donc, bon, ça, Ouais. c'est la WWE qui rend ses faces Le complètement Miz, neuneux, si, il a mais. été face. Si, il a été face et c'était très pénible. Mais ça, c'était Ouais, il il y a avait pas longtemps, fait hein. C'était il y a un bon à bail. l'époque. Ouais, il avait pas beaucoup parlé. Et maintenant, on a FG qui nous dit Rowan est tellement meilleur qu'elle mise au micro. Là, il y a du troll. Là, il y a du troll. On va Arrêtez de vous foutre de notre gueule. s'arrêter Ouais, de suite. Sinon, on vous envoie les Blue Chance Brothers. Vous avez beau être trois contre nous, ils vous défoncent la gueule. Voilà. Mais voilà, ben, Et pour la peine comment. FG, tu vas inviter quelqu'un à s'abonner à la chaîne. Parce qu'il Exactement. nous manque un abonné pour être à Voilà. 500. Peut-être qu'on est déjà à 500, je sais pas, j'ai pas encore checké. Mais c'est important, abonnez-vous. Bah écoute, ça tombe bien que tu dises ça, puisqu'on a fini notre analyse. Ouais. À moins que tu voulais dire encore quelque chose sur Bah ce non, mais on fait SmackDown. vite fait le top, le flop, machin. Ouais, voilà, passons à ça. Alors mon Top et top. flop et notes de la semaine, pardon, vas-y. Mon top, ça va être. Qu'est-ce que je vais mettre en top? Non, mais je vais mettre, comme tout le monde, je pense, New Day, le Miz. FG qui fait abonnez-vous. Donc, ouais, New Day, le Miz, meilleur match de la semaine. Et hélas, pas la finale de ce tournoi. Mais bon, j'espère que le New Day ensuite prend la ceinture et ensuite qu'on a un New Day The Bar parce que ça, on s'en lasse pas. Le pire moment de la semaine. Le pire moment de la semaine, c'était. Seth Rollins qui parle avec Kurt Angle. C'était vraiment genre, c'était d'une débilité. Sur différents niveaux, c'était nul. Ça voulait rien dire. Et puis alors, la suite était nulle, encore pire, quoi. Genre, ah voilà, on va vous raconter tout ça pour au final qu'il se passe rien. Voilà. Au final, il est tout seul. On a passé combien? Genre, au moins un quart d'heure d'émission là-dessus pour arriver au Oui, match et il est tout seul. non, Merci. c'est gros pétard mouillé Tout quoi. ça pour rien. Et puis, si je devais donner des notes, Raw, je mettrais 1,5 à Raw et je mettrais 3,5 à SmackDown. Voilà. D'accord. Sur 5. Bah, oui, sur 5. Moi, en top, il y a des trucs qui m'ont fait marrer, comme j'aime beaucoup Artruth là, mais je vais mettre quand même le top à Paul Heyman parce qu'on ne sait pas ce qui nous joue, mais bon, si on oublie tout, quand même, quelle belle performance d'acteur, hein, ça c'est du comédien. C'était émouvant, j'ai failli pleurer avec lui. Dans le flop, il y a un truc dont on n'a pas parlé mais qui a failli me faire pleurer aussi, pour moi qui était un des pires matchs que j'ai vu, je crois, depuis très longtemps, c'est Bobby Roode contre Mojo Riley. Ah ouais. On en a pas parlé, mais ça ne méritait même pas, ça mériterait même pas le flop, c'est nul à chier. Et oh, je sais pas trop penser à une note. Moi j'aurais mis un petit peu plus à Raw, peut-être 2 à Raw et. Oh, là je suis plus généreux. 2 à Raw et 4 à SmackDown, parce que je trouve que SmackDown se regarde vraiment très bien. Et Ouais. avec un super main event, c'était cool. Ben Voilà. voilà. Voilà pour cette nouvelle semaine de catch. Alors c'est l'été, on en profite. Vous voyez que nous sommes Anke et moi allés beaucoup à la plage ces derniers jours. Donc on en profite. Ben écoutez-nous à la plage. Écoutez-nous, téléchargez-nous, écoutez-nous et regardez-nous sur YouTube, PodCloud, iTunes. Donc on s'appelle un peu partout Catch Up CDC, hein, c'est Voilà. très Twitter.com étonnant. slash ketchup CDC. Voilà. Facebook.com slash ketchup CDC. Et C'est ça. vous pouvez nous retrouver sur Instagram plein de. aussi. plein de plateformes. Bah Oui, Instagram, bon, Instagram, c'est pas si important que ça. Mais vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast audio. abonnez-vous et faites abonner un copain. Comme ça, vous serez plein de copains voilà, abonnés. Parrainez-vous entre vous. Et, c'est ça. Ça donne un code bonus de 20 euros. Non, c'est pas vrai. Et comme ça, ça me motivera à sortir une deuxième vidéo, les 10 moments plus rapidement. Voilà. Si vous n'êtes pas allé voir les 10 moments qui ont ruiné Bailey, voilà, c'est la première vidéo de la série. Et il projette de faire les 10 autres moments. Il en avait 10 autres sous le coude. Non, non. Et juste quoi d'autre? On a donc du coup, vous inquiétez pas, on aura bien sûr une review de SummerSlam. Et qu'est-ce que j'allais dire? Les reviews du G1, voilà. Les reviews du G1 de Ringside, presque tous les jours, dès qu'il y a une émission du G1, Ringside vous fait un petit résumé de 15 à 20 minutes en donnant un peu son avis sur les matchs. Il vous donne des petites indications sur quel match regarder, surtout si vous n'avez pas le temps de tout regarder. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et ben voilà, ben je reprends la parole pour conclure puisque c'était moi qui étais aux commandes, même si ben Hank a très bien géré toute la partie technique. Hein. Félicitons-le parce qu'il parle, mais c'est aussi l'homme de l'ombre. Il clique, il vous écrit tout en parlant, et il maîtrise le son, la lumière, il fait tout. Bravo Hank. Félicitations, merci, merci pour ta présence. Oui, oui, oui, ça va. On va pas passer 10 minutes sur les congratulations. Allez. Alors, et merci d'avoir présenté nous avoir... du coup, Raph. Bah, je t'en prie. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plu comme toujours. Et ciao à tous et bonne semaine pleine de catch. Salut.